Latino. Go. Quando tu me perdes, on va se taper une bouteille. On fait voir tout le monde est frère, tout le monde a de l'oseille. Quand tu me perdes, on sort se taper une bouteille. Que des bouffons à ma table, cherchez pas les problèmes. Soit c'est la R, la R, la R, la R. Je vois plus mes mains. Je lève ma bouteille aux ennemis. Ils veulent tous être à notre table. Avec le père du VIP. Du gros son dans la caisse. Ne bouge pas tes pieds, bouge que tes fesses. Un gros coupé sur les champs. Au feu rouge, tu pètes une taille de champ. Ici, tout le monde n'est que du Philippin. Une, deux, trois, cinq, et t'es dans le bain. Tu entends le club, mon équipe à tout prix. Musique de Star Wars toute la nuit. Si t'as qu'une bouteille, on fait voir tout le monde est frère, tout le monde a de l'oseille. Voilà tous mes problèmes, on sort si t'as qu'une bouteille. Que des bouffons à ma table, cherchez pas mes problèmes. Soit c'est la R, la R, la R, la R, la R, la R. Soit c'est la R, la R, la R, la R, la R. Soit c'est la R. Ah ouais, tu connais toujours frais, mon gars. Regarde ton équipe sans le vomi. Corless, l'addition, mon gars. Soit ce t'es chez Rick Ross ou t'es chez Didi. Dans une boîte à Cannes ou à Miami. Aïe, t'as Dubaï, que fais-tu dans la vie? Une coupe de champagne, craque mon ami. Tu crois que t'as la plus bonne, en vrai, t'as la pire. 5 du mat, after. Une bouteille, en un quart d'heure. C'est fermé, tout le monde se lève. On se barre en Espagne pour passer la semaine. Si t'as qu'une bouteille, mon frérot, tout le monde est frais, tout le monde a de l'oseille. Ouais, tous mes problèmes, on sort si t'as qu'une bouteille. Que des bouffons à ma table, cherchez pas les problèmes. Soit c'est y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R. Soit c'est y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R, y'a R. Soit c'est y'a R. Ils disent que l'argent fait pas le bonheur. Et c'est donc avec un million. Le bonjour à tous mes voleurs. 10 bouteilles d'eau pérignon. M'aimerais-tu si j'avais pas de sous? Vraiment ça, j'en suis pas sûr. M'aimerais-tu si j'ai des ennuis? Si je suis seul, seras-tu mon armure? Soir, ce, je suis dans le club. Y'a tout ce qu'il faut dans le coffre, oh, tu le sais. Soir, ce, je suis dans le club. Y'a tout ce qu'il faut dans le coffre.